Merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast sur notre série Les Mérovingiens, grandeur et décadence. Alors, nous parlions donc du roi Dagobert et nous étions en train de faire son procès post-mortem. Nous avions déjà interrogé son père, qui avait des choses à dire contre son fils, Silchid, la seconde femme et la dernière femme d'ailleurs de Clotaire, le père de Dagobert, ainsi que son frère aîné, Caribert, le simplet, l'ingénu, qui est mort tragiquement en 532, mettant fin à la lignée des Mérovingiens d'Aquitaine, malgré la légende qui voudrait qu'un de ses fils cachés ait été l'ancêtre des rois d'Aragon. Et puis, nous n'avons pas interrogé, évidemment, l'homme du peuple. Alors, pour l'homme du peuple, Dagobert est un roi faible. En fait, Dagobert, la figure royale, devient de plus en plus éloignée, de plus en plus, finalement, de plus en plus abstraite. L'homme du peuple, qu'est-ce qu'il voit en premier? C'est le seigneur local, en général le hobereau, le petit seigneur, puis et quelquefois le grand seigneur. Il voit aussi les princes de l'Église, les évêques, mais aussi le prêtre, le curé, le vicaire. Il est en contact avec ces gens-là, qui sont les gens instruits, qui font généralement la navette avec justement les pouvoirs en place, et pour certains, font la navette aussi avec les représentants royaux, que sont les comtes. Mais on sait que depuis la décrétion de Clotaire II, les comtes sont plus soumis au seigneur en réalité qu'au roi. Donc, au fond, dans ce monde où on voit vraiment un transfert du pouvoir du roi aux puissances locales, seigneuries, évêchés, eh bien, pour l'homme du peuple, vraiment, le roi est faible. Et ça se voit d'ailleurs, ce transfert royal. Ce transfert royal, en réalité, ce transfert du pouvoir du roi vers ses puissances locales. Donc, cette imposture qui est en train de se mettre en place, cette usurpation, je dirais, du pouvoir royal, se reflète dans la fiscalité locale, puisqu'on voit une inflation en réalité des impôts seigneuriaux. Alors, je vais vous donner une petite liste de ces impôts seigneuriaux pour vous donner une idée. Alors, il y a la taille payée par les villageois afin d'assurer leur protection, le cens, une taxe préfixée et payable par les paysans tous les mois, le champart, loyer dû par les fermiers en échange de terres reçues du seigneur, les banalités sur les fours, moulins et pressoirs. Dans cette société évidemment très inégalitaire, les serfs, qui sont des quasi-esclaves puisqu'ils n'ont pas le droit de quitter la terre sur laquelle ils travaillent, doivent payer un impôt spécial au cas où ils voudraient se marier avec un serf d'une autre seigneurie. C'est ce qu'on appelle le formariage. Lorsqu'un serf meurt, ses ayants droit, ses héritiers en réalité, doivent payer des droits de succession, mais prohibitifs, tellement lourds qu'ils ne peuvent pas en général les acquitter, et ils reviennent tout entiers au seigneur. C'est ce qu'on appelle en réalité le droit de main morte. Il y a aussi le droit, si vraiment le serf a envie de quitter la seigneurie, il doit payer à nouveau un impôt extrêmement lourd qui s'appelle le droit de forfuyance, laissant sous-entendre évidemment que le serf s'enfuit de son esclavage. Mais bon, voilà. Et puis, Dagobert apparaît aussi comme un homme faible pour l'homme du peuple. L'homme du peuple qui est souvent en rapport avec l'abbé du monastère du coin, qui est le gros employeur, qui est celui qui tient vraiment les rênes du pouvoir local. Alors pourquoi? Alors, ça se voit aussi dans la fiscalité d'Église qui s'enfle, qui devient de plus en plus important. Il faut savoir à l'époque que l'Église est un véritable État, rival de l'État franc. Et encore en général beaucoup plus structuré et même beaucoup plus méthodique que l'État franc. L'Église, en effet, prélève donc la dîme qui représente jusqu'à 13% des revenus. Celle-ci est répartie en 4 quarts égaux, 25% à l'évêque, 25% à l'entretien des églises, 25% aux pauvres et 25% au rachat d'esclaves. L'assiette de la dîme s'étend progressivement aux héritages, ce qu'on appelle la dîme prédiale, aux fruits du travail et de la terre, ce qu'on appelle la dîme mixte, au blé et au vin, la dîme grosse. aux pois, fèves et lentilles, dîmes vertes. Hein, on se souvient aussi de la taxe verte qui était l'origine de fraudes antifiscales en Bretagne. Et puis, alors, comment sont fixés les taux, comment est fixée l'assiette? Tout ça est fixé en général par des synodes provinciaux, hein, qui sont présidés par le primat, en général un archevêque, au chef-lieu de la province, et rassemblant les évêques ou leurs économes, c'est-à-dire les trésoriers des diocèses, les représentants paroissiaux, les abbés. Et tous ces gens-là, donc, fixent taux, assiette, niveau d'imposition, sans que le roi ait son mot à dire. Enfin et surtout, ceux qui plaident contre le roi, ça pourrait être ces femmes. Ces femmes, en effet, on sait que le roi a une vie, de ce point de vue-là, assez dissolue. Un chansonnier au XVIIIe siècle tourne en ridicule le roi Dagobert, en disant qu'il porte sa culotte à l'envers, à force de la baisser en effet et de la remonter, il finit aussi peut-être par la mettre de travers. Dagobert dépasse en infidélité conjugale son propre père Clotaire II, alors qu'il a été très dur avec son propre père. Autant d'ailleurs Clotaire entretenait des concubines, mais sous les apparences d'une monogamie assumée, autant Dagobert réhabilite carrément le mariage morganatique. Ce mariage qui donne à une concubine d'un soir des droits à ses descendants. Et donc, à côté de ce mariage morganatique, évidemment, il reste le mariage officiel que Dagobert honore le mieux qu'il peut. Ce qui fait qu'on peut dire que de son vivant, il y a à peu près de façon simultanée, sauf pour Gommatrude, il y a eu donc trois reines. Gommatrude, qui a été répudiée en 629 dès la mort de Clotaire II, Nanthilde et Wulfgonde. Ça, ce sont les trois reines du Regnum Francorum, donc les trois femmes officielles. Et puis en face s'ajoutent donc les concubines Berchild, Rognatrude et Ulfgong. N'a-t-il pas conçu Sigebert, devenu roi d'Austrasie sous le nom de Sigebert III, d'une petite Austrasienne qu'il aurait rencontrée par hasard lors d'une de ses visites royales en Austrasie? Cette Rognatrude. Donc, s'il faut retenir finalement, je dirais, dans cette liste de griefs dressés contre Dagobert, s'il y en a un à retenir en particulier, et c'est celui que retiennent d'ailleurs la majorité des chroniqueurs, c'est en réalité le péché d'infidélité conjugale. D'ailleurs, tous les critiques de Dagobert tombent d'accord là-dessus. Et on le voit encore aujourd'hui dans les livres d'histoire les plus actuels. Dagobert s'est dispersé avec les femmes. C'est peut-être qu'on a insisté sur cet aspect-là parce qu'il y avait un autre aspect qu'on ne voulait pas voir. Mais c'est ce que nous transmet aujourd'hui la plupart des historiens. Donc Dagobert s'est dispersé avec les femmes. Quel crime! Le chroniqueur du Frédéguerre, le Frédéguerre est donc en réalité un outil de propagande carolingienne. Une chronique qui reprend d'ailleurs la chronique de Grégoire de Tours, et puis qui la prolonge, mais en donnant une version qui a été beaucoup plus, qui est beaucoup plus proche des intérêts carolingiens. Eh bien, le chroniqueur du Frédéguerre compare Dagobert à Salomon. Celui qui avait cherché la sagesse au début de son règne s'est laissé porter par ses passions. Comme Israël, au temps de la Bible, le royaume franc sera aussi divisé. Il sera divisé en deux. Alors, non pas du vivant de Dagobert, par fidélité à la mémoire de Clovis, qui l'a fait office de quasi-David, roi David, roi Clovis, roi David. Non, son royaume sera divisé du vivant des enfants de Dagobert. Alors, il ne faut pas être prophète pour le deviner, puisque de toute façon, on sait que Dagobert fait monter sur le trône de son vivant, fait monter sur le trône d'Austrasie son fils Sigebert, qu'il a eu donc avec Rognatrude, et qui deviendra roi sous le nom de Sigebert III. et il fait monter sur le trône de Neustrie et de Burgondie eh bien son fils Clovis, qui va monter sur le trône sous le nom de Clovis II. Il va confier la régence à Nanthilde et à son maire du palais, Ega. Et il va mourir en 639. Bon, malheureusement, c'est vrai, donc le royaume franc de Dagobert va être divisé par deux. Est-ce que forcément ça veut dire que les deux fils de Dagobert vont se faire la guerre? Le danger en réalité ne vient pas tellement des fils de Dagobert, qui sont plutôt assez conscients hein, d'appartenir à une même famille et de devoir entretenir une certaine unité. Mais le danger vient plutôt en réalité des puissants, dont les ambitions sont de moins en moins cachées. Mais nous allons voir ça dans le prochain podcast.